La musique production. Ce soir j'ai mal au cœur, au moment d'écrire ces lignes, ma plume qui saigne attend un signe d'une major qui me dit on te signe. Désabusé, c'est abusé, qu'on ne met toujours pas diffusé, mais faut sucer jusqu'à s'user pour devenir médiatisé. Le mérite c'est fait la belle pour de la musique industrielle. Et même si la mienne est belle, j'aurai pas la carrière d'Adèle. Les escroqueries j'en ai assez, non mais sérieux c'est quoi ce beans. En peu de temps on est passé de maître Yoda à maître Gims. Depuis que je rappe je suis déprimé, j'ai vu mes rêves se dessiner. Injusté ma destinée, je crois que je l'avais trop surestimé. Ego trip dans l'attitude, je m'y suis perdu comme d'habitude. Je voulais juste prendre de la. J'aurais mieux fait de faire de grandes études. J'ai fantasmé que j'allais percer, mais je viens du pays de la choucroute. Donc j'ai besoin de m'évader, loin de mes peines, loin de mes doutes. J'ai bien que j'aurai jamais de coup de pouce, même si lourds sont mes morceaux. De toute façon, après cet opus, on m'oubliera comme la Rousseau. J'avais des rêves frelots que j'ai enterrés un par un. Mauvais élève, poteau, comment pourrais-je rentrer les miens? Sache qu'ici, baraclo, on te boycotte si tu iras bien. Je n'ai plus d'espoir, cogno, vivement de meilleurs lendemains. J'avais des rêves frelots que j'ai enterrés un par un. Mauvais élève, poteau, comment pourrais-je rentrer les miens? Sache qu'ici, baraclo, on te boycotte si tu iras bien. Je n'ai plus d'espoir, cogno, vivement de meilleurs lendemains. Cette nuit j'ai fait un rêve, que ma musique un jour ou l'autre marcherait. Je veux connaître mon rêve, écoute ça. Nino a déjà tout programmé, donc stopper le son, je suis condamné. Les langues de pute peuvent ricaner, je suis quand même là depuis des années. J'ai cru en moi, j'ai tout donné, mais je suis sur le point d'abandonner. Je n'ai pas d'oseille comme Dieu donné, c'est pour ça frère que je suis mort-né. Mesure découpée à la hache, j'ai pas le grand destin d'Alexandre. J'ai même pas pu monter une marche, comme a déjà fait redescendre. Moi qui voulais un disque d'or, j'ai dû revenir à la raison. Frère, j'ai le même destin qu'Iti, je vais rentrer à la maison. Je suis pas tombé dans la musique, par pur hasard, ça va sans dire. Je voulais du beat, faut pas se mentir, je vais faire partie de ceux qui s'en tirent. Faire kiffer mes anaphores et pouvoir ken des nanaphores. Comme c'est pas une métaphore, quand je te dis que je suis méga fort. Y'a de l'amertume dans mes propos, vu que dans le rap je suis un copro. Ma carrière est une chute libre, clippée à l'aide d'une GoPro. Trop de punchline dans ma déprime, frérot je suis loin d'être intérim. Donc je fais des crimes avec ma rime, vu que mes écrits sont rares ici. J'avais des rêves frelots, que j'ai enterré un par un. Mauvais élève poteau, comment pourrais-je rentrer les miens? Sache qu'ici baraclo, on te boycotte si tu iras bien. Je n'ai plus d'espoir, cogno, vivement de meilleurs lendemains. J'avais des rêves frelots, que j'ai enterré un par un. Mauvais élève poteau, comment pourrais-je rentrer les miens? Sache qu'ici baraclo, on te boycotte si tu iras bien. Je n'ai plus d'espoir, cogno, vivement de meilleurs lendemains. Cette nuit j'ai fait un rêve, que ma musique un jour ou l'autre marcherait. Je veux connaître mon rêve, écoute ça. Les rêves. Même le rêve c'est des cauchemars. Mes songes disparaissent un par un, donc en refaire ça sert à rien. À ce qui paraît c'est mieux demain, mais je sais aussi que demain c'est loin. Où vont-ils? Plus le temps défile, plus je ne pourrais les rattraper. Je crois que j'ai raté mon heure de gloire, j'ai plus qu'à m'arrêter de rapper. Mais croyez-moi, j'oublie rien, les bons comme les pires moments. Ils ont beau dire que c'est des conneries, mais le rap c'était mieux avant. Ils me parlaient plus de loyauté, y'a que les galères qui me sont fidèles. Ça me casse le cul, je ne marche plus droit, je dois être le frère de Faudel. En détriment de mes sentiments, qu'on vienne m'enterrer sous le ciment. La vérité en m'exprimant, que Dieu me crucifie si je mens. Je paye mes choix inconsciemment, le fond m'attire comme un aimant. Et même si je suis quelqu'un d'aimant, je fais trop peu de remerciements. Collectionneur de coups durs, je marche avec des entorses. Le rap me tue, je suis à bout de force, c'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Moi qui voulais vivre de mes rêves, c'est ma vie que j'ai rêvé. Millésime, c'est le nom de l'album, je m'en bats les couilles, t'as qu'à le graver. J'avais des rêves frelots, que j'ai enterré un par un. Mauvais élève, poteau, comment pourrais-je rentrer les miens? Sache qu'ici, baraclo, on te boycotte si tu iras bien. Je n'ai plus d'espoir, cogno, vivement de meilleurs lendemains. J'avais des rêves frelots, que j'ai enterré un par un. Mauvais élève, poteau, comment pourrais-je rentrer les miens? Sache qu'ici, baraclo, on te boycotte si tu iras bien. Je n'ai plus d'espoir, cogno, vivement de meilleurs lendemains. Cette nuit j'ai fait un rêve, que ma musique un jour ou l'autre marcherait. Je veux connaître mon rêve, écoute ça. Les rêves, même le rêve c'est des cauchemars.